peine, par où tu es passé, chemin sans désenfait, le ciel, partout donnant la joie aux gens abandonnés. Remplis-moi chaque jour d'amour, remplis-moi. Bien-aimé, notre Père Céleste, nous venons à nouveau devant ton trône de grâce pour te demander ta miséricorde à l'occasion de ce service divin, priant que tu puisses nous laver, nous pardonner ce nouveau décalage horaire dont tu as vu le cheminement avec le chantier de l'église. Nous voulons, dans les minutes qui suivent, être expéditifs, ne pas rater notre réunion, que le Saint-Esprit nous assiste. Chaque jour, il y a une bataille, mais nous serions heureux si nous vaincons. C'est dans la victoire que nous avons la joie. Lorsque nous sommes vaincus, nous sommes tous désolés. Pardonne-nous, Seigneur Jésus, et assiste-nous. Assiste toute l'Église afin que cette réunion soit une réussite. Que l'onction du Seigneur soit au milieu de nous et ta grâce dans nos cœurs. Parle à chaque âme. Agrée les chants de louange. Chaque mot de prière qui a été élevé, agrée-les sous le sang de Jésus-Christ. Notre agneau immolé, l'unique sauveur du monde entier. Sois notre guide ce soir. Avancez quand même avec notre thème, car ça nous tient à cœur de progresser pour pouvoir évoluer. Dans le nom de Jésus-Christ, nous te prions. Amen. Nous allons lire à nouveau le psaume chapitre 34, comme nous l'avions lu mercredi, mais nous n'avons pris que quelque chose en passant, mais nous allons encore dire quelque chose ce soir, Dieu aidant. Nous sommes à partir du verset 4 jusqu'au verset 10. Exaltez avec moi l'Éternel, célébrons tous son nom. J'ai cherché l'Éternel et il m'a répondu, il m'a délivré de toutes mes frayeurs. Quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie et le visage ne se couvre pas de honte. Quand tes malheureux crient, l'Éternel entend et il les sauve de toutes ses détresses. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui les craignent et il les arrache à tout danger. Sentez et voyez combien l'Éternel est bon. Heureux l'homme qui cherche en lui son refuge. Craignez l'Éternel, vous ses saints, car rien ne manque à ceux qui les craignent. Kembisa yawe esika mokonangai, tukumisa kombo na yelongo. Naluki yawe mpeye ayambaki ngai, abikisi ngai na nsomo na ngai nyonso. Bato batali epai na ye mpe bazwi esengo. Bilongi na bango ezipami na sonite. Mobola oyo akabela mpe yawe ayoki ye. Abikisi ye na bampasi na ye nyonso. Monje na yawe akozingelaka esika na bao ye bakotosaka ye. Mpe akobikisa bango. Meka mpe sosola ete yawe azali malamu. Esengo ezali na moto oyo akoluka kande ekimelo na ye epai na ye. Bino bayenge bene na ye. Banga yawe, Zambi ba oyo bakotosa kaye, bakozanga ka elokote. Alors, Hébreux chapitre 1er, Le verset 13 et 14. Et auquel des anges a-t-il jamais dit, assis-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marche-pied? Ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu, envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent guetter du salut? Alors, je ne sais pas si je suis un ami. Vanda na loboko na ngana mabali kino ekotia ngai ba inina yo lokola etele melo na makolo na yo banje nyonso bazali milimu na mosala kotinda makampona bakosalela kaba oyo balingi kozwa libulo na lobiko boyete. Apocalypse chapitre 14. Emoni seli mokapo ya zomi na minei. Le verset 14. Nzela kotanga zomi na minei. A 20. Ino na tukumbale. Je regardais et voici il y avait une nuée blanche. Et sur la nuée était assis quelqu'un qui ressemblait à un fiston, ayant sur sa tête une couronne d'or et dans sa main une faucille tranchante. Et un autre ange sortit du temple, criant d'une voix forte à celui qui était assis sur la nuée, « Lance ta faucille et moissonne, car l'heure de moissonner est venue, la moisson de la terre est mûre. » Celui qui était assis sur la nuée jeta sa faucille sur la terre, et la terre fut moissonnée. Un autre ange sortit du temple, qui est dans le ciel, ayant lui aussi une faucille tranchante. Et un autre ange, qui avait autorité sur le feu, sortit de l'autel et s'adressa d'une voix forte à celui qui avait la faucille tranchante, disant, « Lance ta faucille tranchante et vendange les grappes de la vigne. » de la terre, car les raisins de la terre sont mûrs. Et l'ange jeta sa faucille sur la terre. Il vendangea la vigne de la terre et jeta la vendange dans la grande cuve de la colère de Dieu. La cuve fut foulée hors de la ville et du sang sortit de la cuve jusqu'aux morts des chevaux sur une étendue de 1600 stades. Moko avandaki na motindo na mwana na moto. Na moto na ye, motole na olo. Mpe na loboko na ye, likongola epeli mingi. Mwanje mususu abimi na tempelo mpe angangaki na oyo avandaki na lipata na mungongo makasi eti. Tinda likongola na yo mpe buka. Po ete, tango na kubuka eyeyi. Mpe biloko na kubuka na mokili diteli. Ye oyo avandaki na lipata, tindi likongola na ye mpe mokili. Mpe biloko na mokili dubukani. Mwanje mususu abimaki na tempelo na likolo. Ye mpe azalaki na likongola epeli mingi. Mpe mwanje mususu abimi na etumbelo. Ye azalaki na bokonzi na moto na yango. Mpe abiangaki na mungongo makasi na oyo azalaki na likongola epelaki mingi. Mpe alobaki ete. Tinda likongola na yo mpe epeli mingi. Mpe buka. Mito na mbuma na mawiti na mokili. Po ete mbuma yango eteli. Mwanje atindaki likongola na ye na mokili. Mpe abuki mbuma na mawiti na mokili. Mpe abwaki yango na ekamelo monene na kongala na Nzambe. Ekamelo enyatami na libanda na mboka. Pe makila ebimi na ikamelo. Bozindo na yango ezalaki minoko na mbalata. Mosika na yango kino sa tada poto na kama motoba. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Zambe apabola botangi lobana ye. Et veuillez vous asseoir au nom du Seigneur. Bienvenue à la table du Seigneur. Comme je l'ai mentionné dans la prière, ce soir c'est une pesanteur du chantier. Et pratiquement depuis la journée. Ben, finalement il y a eu des imprévus. Nous sommes en train de nous battre pour terminer cette tranche de travaux. Mettre une pause et préparer la prochaine étape. Alors, on s'est battu depuis la journée. La caillasse qui devait venir n'est pas venue. Les équipes sont parties, ils sont revenus parce qu'il y avait un camion qui est tombé qui a bouché la route. Entre-temps, c'est notre journée de prière. La marge de manœuvre était assez étroite. Notre chaîne de prière que nous prenons était répondre aux heures de prière ensemble avec le peuple de Dieu. L'avez-vous fait? Trois fois, 6 heures. À 6 heures. À 9 heures. Et qui a fait? C'est pas tout le monde. Il y en a qui ont encore été absents. Ils ont fait la prière. Que Dieu vous bénisse. Alors, il fallait avoir l'oreille ici. Et Dieu nous a fait quand même grâce d'obtenir du sable l'après-midi ici. Bien que c'était encore difficile, mais comme un plan B, on a pu avoir quand même du sable. Vous ne venez pas tirer les choses en longueur. Présentement là, on est en train de le faire entrer au chantier. Et aussi, l'équipe des ouvriers est en train de travailler. C'est après 17 heures juste qu'ils ont commencé à faire une partie du béton de ce pavement. Ils vont travailler en mode heure supplémentaire. Donc, il fallait voir encore comment résoudre les problèmes de motivation et tout cela. C'était une situation imprévue. Il devait couler depuis la journée, mais bon. Que Dieu nous pardonne. Nous sommes ici pour lui. Et nous pouvons combiner plusieurs choses, n'est-ce pas? Bien que des fois l'élément tend à notre ennemi. Par la grâce de Dieu, on essaye de faire du mieux que nous. Alors, s'il y aura un peu plus de gens qui vont s'intéresser au travail du chantier, je pense que le pasteur sera quand même allégé. Lorsque la grande charge repose sur vos épaules, voyez, un grand châtiment comme celui-là. Voilà, il faut vraiment la grâce pour que les choses marchent comme on souhaite. J'ai dit ceci pour encourager quelqu'un à pouvoir un peu se réveiller. Donc, normalement, le pasteur devait s'occuper de la prière et de la méditation de la parole. Il devait y avoir des équipes très motivées, très honnêtes, ennemis de la cupidité pour gérer correctement chaque sou du royaume de Dieu sans détournement, sans trébuchement, sans explication, sans négligence, que tout soit bien fait. J'espère que l'église comprend. Et il arrive des fois que quand vous confiez des responsabilités, le travail ne se fait pas comme espéré. Alors, mais quand nous tenons à ce que les résultats soient exactement ce que l'Église attend, donc il faut soit s'impliquer personnellement ou soit alors avoir des gens qui sont à hauteur. Que Dieu nous aide. Vous voyez, dans notre marche, nous avons eu à acquérir une concession en dire brasserie. 2 hectares et demi. Depuis 2012. Ça fait déjà 10 ans. Mais parce que le pasteur ne s'est pas personnellement impliqué dedans, on a juste essayé de travailler avec les délégués et consorts. Donc les résultats, c'est maintenant encore comme un conflit qui a débuté là-bas, parce qu'on n'a pas exploité, les coutumiers sont venus prendre une partie pour vendre à quelqu'un. Voilà, c'est ça. Donc, des fois, il faut seulement que vous soyez vous-même encore là. Ce qui n'est pas correct. Nous sommes une église. Nous sommes une église, on est semi-part aussi, association missionnaire. Il faut qu'il y ait un peu plus de gens motivés qui se donnent. Pas qu'on doit réveiller tout le temps, rappeler ceci, rappeler cela. Donc vous voyez maintenant, alors quand il faut maintenant s'occuper de tout ça, ça vous pèse maintenant dessus. Que Dieu nous fasse grâce. pour grandir et nous donner aux choses de Dieu. Il y a un domaine où nous avons déjà évolué par la grâce de Dieu. Mais il y a d'autres domaines où les pesanteurs sont tellement lourds. Et la charge nous revient toujours. Mais nous travaillons pour que nous évoluions. N'est-ce pas? À tous égards, nous devons progresser. Et que Dieu soit loué. Amen. Donc il y a des aspects où Dieu nous a fait grâce, on a évolué. Et comme avec la projection, bien que nous avons la panne du projecteur, la lampe est abîmée depuis plusieurs semaines. L'idée qui vient, c'est de vouloir acheter carrément une autre parce que la lampe coûte plus cher. Comme les enregistrements, les équipes travaillent et il y a de plus en plus moins de failles. Il est toujours d'améliorer, ne jamais dormir. Hein? Et dire que tout va bien. Évoluer comme cela. Comme la préparation de culte. Le pasteur n'est pas obligé de venir faire le classement des chaises. Ou de commencer à appeler les gens au téléphone. Mes frères, jusqu'à 7h, vous n'avez pas encore placé le micro. Donc, nous ne sommes pas à ce stade-là, mais Dieu nous a permis d'évoluer déjà. Il y a des églises qui en sont encore à ce niveau-là. Le pasteur est obligé d'être présent pour commencer à appeler les gens, pour qu'ils viennent. Pour faire le travail pour lequel il est censé travailler. Mais nous devons évoluer. Ne pensez-vous pas que c'est mieux d'évoluer? Amen. Alors, il faut des gens qui s'adonnent, qui saisissent la vision et qui veulent travailler à la perfection. Pas qui viennent occuper un poste, vu qu'il y a un vide, que je sois quand même là. Non. Finalement, il ne sait même pas ce qu'il doit faire. Qui se donne, qui saisissent la vision, qui ont un très beau résultat pour l'intérêt de l'Église et du royaume de Dieu, faisant ce qu'il est capable de faire. Je pense que Dieu en suscitera davantage. Et nous aurons moins de failles de ce genre. Je dois le dire parce que c'est une réalité que nous subissons maintenant. Non, regardez l'heure à laquelle je suis monté à la chaire. 40 minutes de retard à la chaire. La prédication doit commencer à 17h30, je suis monté à 18h10. Vous voyez? Alors ça, c'est pas l'embouteillage, rien à voir. Donc, que Dieu nous aide vraiment. Que Dieu nous aide abondamment. Alors, fois certaines choses, au lieu qu'on appelle le pasteur, on peut appeler tel, on appelle tel, tout est bien coordonné. Voilà. Pour ça, il faut la disponibilité, il faut le dynamisme, pas la paresse. Parce que des fois on a trop de lourdeur, des frères qui dorment trop. Allez faire telle chose, mais vous devez les appeler. Alors, des fois vous dites, bon, laissez-les tranquilles, faites ça quand même. Là vous avez les résultats. Que Dieu vous aide. Donc ceux qui ont tendance à trop dormir, à être trop lourds, essayons de nous activer. Comprenez que nous sommes une maison de Dieu, une famille chrétienne. Israël, même quand il a battu au désert, tout le monde s'est impliqué. Les uns pour donner, les autres pour travailler, selon qu'ils avaient la disponibilité et les capacités que Dieu leur avait données. Donc, on n'avait pas qu'à laisser toute la charge à Moïse, seul le conducteur. Hein? Mais il faudrait que chacun fasse sa part. Il n'y a pas que l'argent. Hein? Mais il y a aussi des dons en nature. Mais il y a aussi des services à rendre. Et Dieu soit béni. Et Dieu soit béni. Chaque fois, par exemple, là, on n'a pas encore connecté la parcelle à l'eau de l'argile des eaux. Nous achetons de l'eau. Chaque jour, un bidon 550 francs congolais. Ça, c'est un exemple. Pour faire fonctionner le chantier là. Des fois, on doit acheter plus de 100 bidons par jour. Faites les calculs et voyez le coût. Mais s'il y avait des sœurs comme Anis Kayel, au lieu d'être là, si on n'a rien faire, ou à se plaindre, mais je pars puiser un peu de l'eau, assister au chantier. Le transport qu'on paye à un païen pour amener un bidon d'eau au chantier. Le bidon s'achète à 200, mais le transport c'est 350 francs. Peut-être un enfant de Dieu peut puiser quelques bidons et peut-être il n'a pas l'argent, mais il a la force d'amener quelques bidons. Ça allège un peu la charge, n'est-ce pas vrai? Ils ont compris ça dans nos bousitos. Vous ne trouvez pas? Vous allez comment être? Mais au lieu de s'asseoir là, c'est m'a causé à critiquer les gens. Et puis, tonga. De quoi il travaille là-bas au chantier? Qui peut alléger l'église? Mais vous êtes en train de rien faire. Mais tu peux aller, les bénédictions s'arrachent. Et c'est des fois quand vous allez visiter votre chantier que certaines réalités apparaissent aussi. Il ne faut pas attendre toujours des rapports, qu'on vient de vous donner des rapports et des rapports. Rapport. Contient des assemblées générales et des assemblées générales. Donc, et sur votre église, il faut y arriver. Et plus qu'en visite touristique, voir un peu. Voir qu'il y a un besoin de ceci, qu'est-ce que je peux faire, peut-être ici. Là où les païens n'exigent que l'argent. Mais nous, parce que c'est notre maison, on peut le faire gratuitement et Dieu nous bénira. N'est-ce pas vrai? Donc, essayons de nous activer dans ce sens-là. Donc, que Dieu nous aide sur toute la ligne. Alors, nous aimerions méditer ensemble sur une pensée ce soir. Et une vision des anges de Dieu conversant. Vous savez que les anges existent. Mais ils peuvent se parler l'un à l'autre aussi. Y avez-vous déjà pensé? C'est même que nous les humains, nous pouvons nous parler les uns aux autres. Je vais citer un frère et peut lui dire quelque chose, lui aussi entend et puis va faire et tout. Alors, parce qu'ici nous sommes dans le sujet de la deuxième commission de William Branham. À l'occasion de laquelle il a eu à prêcher un sermon intitulé « Comment l'ange est venu à moi et sa commission ?» Et plus d'une fois, il a eu à dire écoutez, au nom de la commission que le Seigneur Dieu Tout-Puissant m'a donné et qui m'a été confirmé par l'envoi d'un ange. La commission qui m'a été confirmée par l'envoi d'un ange. Dieu possède des anges. Dieu traite avec ses enfants. Mais il possède aussi des anges. Ils peuvent faire du travail selon les ordres reçus. Et quand ils viennent auprès des humains, ils peuvent leur parler. Et les humains peuvent leur répondre. Mais aussi entre eux les gens, ils peuvent se parler l'un à l'autre. C'est une situation réelle. Tout ceci c'est pour nous mettre en tête et dans le cœur que le monde de Dieu est un monde réel. Ne pensez pas que le monde de Dieu est un monde de fables, de fictions et de mythes. Mais le monde de Dieu est un monde réel. Les anges peuvent parler l'un à l'autre. Ils peuvent parler au Seigneur. Et le Seigneur peut leur parler. Et entre eux, ils peuvent parler. Qui dit amen. C'est la meilleure des façons. Alors, dans les Saintes Écritures, la Bible nous dit dans Hébreux chapitre 15, nous avons lu ici. Le verset 13 et 14 qui est au tableau d'ailleurs. Il est dit, auquel des anges, Dieu a-t-il jamais dit, assieds-toi à ma droite. Jusqu'à ce que je fasse de ton ennemi, de tes ennemis, ton marche-pied. Donc il n'y a pas un tel ange à qui Dieu a donné une telle promesse. De tout ce que Dieu a pu dire à ses anges. De ce qui a été révélé dans les Saintes Écritures. À travers les paroles des prophètes. Dieu parle à ses anges. Il a eu à leur parler diversement. Il y a des conversations communiquées, révélées. Et il y en a d'autres qui sont complètement cachées. Ce que Dieu a dit à ses anges. Mais dans tout ce qu'il a eu à dire à différents anges, Dieu n'a jamais eu à dire à un d'eux, assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que je passe de tes ennemis, de ton marche-pied. Mais à l'opposé de ça, ici au verset 6, Hébreux 1, verset 6. Il dit, et de nouveau, lorsqu'il introduit dans le monde le premier-né, il dit que tous les anges de Dieu l'adorent. Ça, c'est un ordre que Dieu a donné à tous les anges. Parmi les choses que Dieu a eu à dire à ses anges. Voici un exemple d'une parole, d'un ordre clair et précis. Qui concerne chaque ange créé. Un ordre exécutoire. Qui doit être appliqué. Et Dieu dit au sujet du Fils unique. Le premier né de la création. Il dit que tous les anges de Dieu l'adorent. Chaque ange a dû entendre cela. Et chaque ange doit faire cela. Ange a dû entendre cela. Chaque ange doit faire cela. Chaque ange doit faire cela. Ange a dû entendre cela. Amen. Chaque ange a dû entendre cela. Et chaque ange doit faire cela. Ange a dû entendre cela. C'est merveilleux. De connaître que notre Dieu possède des anges. Et qu'ils sont disposés à exécuter ses ordres. Ils sont disposés, prêts à le faire. Que Dieu soit béni. Si nous pouvons comprendre que le monde de Dieu est un monde réel. Mais, les anges doivent exécuter les ordres. Ils doivent recevoir des directives, mais ils peuvent se parler les noms. Et c'est une réalité. L'apôtre Jean a vécu cela. Il a une vision des anges se communiquant. Et c'est qu'elle aussi a vécu cela. Une vision de l'ange parlé. L'homme vêtu de l'un, il y avait comme l'aspect d'un ange, mais c'était l'homme vêtu de l'un. Il a donné les ordres à ceux qui devaient exécuter un jugement. Là, c'est Ézéchiel au chapitre 9. Et Jean sur l'île de Patmos, Apocalypse 14, l'amour de la verset 14 à 20, il a reçu une vision des anges conversants. C'est merveilleux, n'est-ce pas? Et notre frère William Branham aussi a eu aussi une fois une vision comme ça qu'il nous a raconté. Mais vous comprenez, mes amis, quelle que soit cette réalité, dans Hébreux 2 au verset 5, la Bible dit ceci, en effet, ce n'est pas à des anges que Dieu a soumis le monde à venir dont nous parlons. Quels que soient les ordres et les choses que Dieu a eu à dire à ses anges. L'ordre d'adorer est clair. Tous les anges de Dieu doivent adorer le Fils de Dieu. Tous les anges. Tous les anges. C'est vrai. Bongo. Et même quand il était né, une grande foule nombreuse des anges sont venus pour exécuter ces portes-là. Ici dans Luc chapitre 2. Il est écrit ceci. Verset 8. Verset 14. Non, même jusqu'au verset 15, disons. Il y avait dans cette même contrée des bergers qui passaient dans les champs les veilles de la nuit pour garder leurs troupeaux. Et voici, un ange du Seigneur leur apparut, et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Ils furent saisis d'une grande frayeur. Mais l'ange leur dit, ça c'est l'ange qui donne un message, à des humains. Il leur dit, ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle qui sera pour le peuple le sujet d'une grande joie. Zambitala. C'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur qui est le Christ, le Seigneur. Et voici à quel signe vous le reconnaîtrez. Vous trouverez un enfant émailloté et couché dans une crèche. Après avoir donné son message, après avoir parlé aux humains, il y a une célébration qui a eu lieu. Et soudain, il se joignit à l'ange. Une multitude de l'armée céleste, louant Dieu et disant, gloire à Dieu dans les lieux très et paix sur la terre, parmi les hommes qui l'agréent. Ça a eu lieu sur la terre ici. Les humains étaient témoins. Au filet et auriculaire. Ils ont vu les anges. Ils les ont entendus chanter et louer Dieu. Sur la terre, un monde de réalité. Le monde de Dieu est un monde de réalité. Il y a quelqu'un qui se dit, le monde de Dieu n'est pas un monde de fiction, d'imagination, d'illusions, un monde de réalité. Voyez la traduction verset 13. L'armée céleste. Une multitude de l'armée céleste. Et vous imaginez l'armée céleste, ça veut dire quoi? Et ah, peut-être des miliciens là. Oui, un ensemble de flèches peut-être. Là, le lingala a bien traduit. Parce que au verset 15, ce qui suit est assez clair. Alors qu'au départ, c'est un seul ange qui était apparu. Regardez maintenant combien d'êtres retournent au ciel et quel nom la Bible leur donne. Après que l'armée céleste soit intervenue. Verset 15. Lorsque l'armée céleste, c'est ça? Quel lisez-vous? Lorsque les anges, et pourtant au verset 9, c'est un seul ange qui est apparu d'abord. Ensuite, il a été renforcé par une multitude de l'armée céleste. Verset 15. Lorsque les anges les eurent quittés pour retourner au ciel, les bergers se dirent les uns aux autres, allons jusqu'à Bethléem et voyons ce qui est arrivé, ce que le Seigneur nous a fait connaître. Wana sila kibange kolongwa na bango mpe kokota na likolo. Babatale na bampate ba miloba na tete, kikato kende na Bethléem. Pe totala likambo ebimi boni. Oyo nkolo ayebisi biso. La conclusion des bergers. Wapakata likambo na ba Fais mention du Seigneur qui a fait connaître quelque chose. Et pourtant le Seigneur, c'est celui qui venait de naître à Bethléem. C'est celui auquel lui l'ange les a référés, qu'ils aillent le voir. Mais le Père j'ai conclu. Et le Seigneur nous a fait connaître. Et pourtant l'ange qui était apparu n'était pas le Seigneur. Mais il était envoyé de la part du Seigneur. Il leur a révélé un secret. Un événement contemporain. L'actualité d'Israël. Le Seigneur, le Christ, venait de naître. Mais lui l'ange qui annonce ça. De la part de leur Seigneur, qui est aussi notre Seigneur à nous les humains. Et quand Dieu vous parle, il vous donne un discernement. Quand Dieu vous parle, il vous donne la capacité de comprendre ce qu'il vous dit. Et voilà ce qui est arrivé. Il a transmis son message divin. Sans être lui-même physiquement là, mais il a reflété seulement sa gloire autour des bergers. Sans que lui-même Dieu ne soit physiquement présent, mais il a utilisé ses propres anges pour communiquer un message important. Et les enfants de Dieu qui ont reçu le message par la bouche des anges, ou des anges qui étaient ils l'ont compris correctement. Et ils sont allés pour l'exécuter. C'est pour que vous imiterez l'exemple des enfants obéissants. Chaque fois que le Seigneur vous donnera un message, quel que soit le canal que Dieu utilise, les porteurs du message qui vient à vous, vous le comprendrez correctement et vous l'exécuterez avec joie. Vous l'appliquerez joyeusement. Qui dit amen? Suivons ce bon exemple. C'est ce qui doit se faire. Écoutez bien aimé. Ils sont allés pour voir ce qui est arrivé. Et ils ajoutent que le Seigneur nous a fait connaître. Je crois que même pour le temps de la fin, si notre foi dans le message avait pour fondement ce genre d'expérience, nous aurions moins de filtrés dans notre message. Nous aurions moins de ramassis, des gens qui se disent croyants du message, mais dont la spécialité est de faire la honte du message par leur vie, par leur comportement. Ils déshonorent l'évangile. Par leur comportement. Et pourtant ils se disent croyants du message. Pouvez-vous imaginer ces bergers, après avoir été dans une telle sainte présence, aller encore bêtiser? Ils ont compris que c'est Dieu lui-même qui donnait la peine de venir leur communiquer un événement qui venait de s'accomplir. Un événement prévu dans les programmes secrets de Dieu. Il n'est pas donné à quiconque de connaître. Mais que la grâce de Dieu soit venue auprès des bergers. Oh, quel rêve reconnaissance face à leur propre dignité, ne voyant rien, ils ont dit non, c'est ce que Dieu a parlé, il nous révèle un événement si important, alors Est-ce que le Seigneur nous l'a fait connaître? Il a venu du prophète Élie. C'est Dieu qui te l'a fait connaître. Ton message, tu vas le considérer autrement. Tu ne vas pas le tripler n'importe comment. Tu ne vas pas le négliger comme tu le fais. C'est le Seigneur qui te fait comprendre. C'est un événement, l'envoi du prophète Élie. Et l'envoi du message de préparation. Et l'important que Dieu lui-même donne à cela. L'envoi d'un don de guérison. Pour toute génération de la terre. C'est le Seigneur qui te fait connaître ça. Qui te révèle, mon Seigneur. Ta vie sera forcée de changer. Tu ne vivras plus comme le reste des gens. Tu sauras que Dieu t'a déjà distingué par ta vocation, par ton appel. Et il doit te distinguer toi-même. Montrer et prouver tes différences par rapport à ceux qui vivent dans le même monde que toi. Il faut qu'il en soit ici. Tel que nous venons à l'église, chacun sait par quel chemin il est parvenu. Et pour quel but et quelle motivation il marche avec nous. Et ceux qui sont de le cœur et les reins. Mais nous prêchons pour inviter le plus grand nombre du bon côté. Parce qu'après tout, Dieu a eu à écrire dans sa Bible ce qui suit. Oh, il suffit de voir ici dans les Proverbes chapitre 29. Voir ce qu'une vérité déclare là-bas. Et qui nous ferait du bien. Au verset 2. Quand les justes se multiplient, le peuple est dans la joie. Quand le méchant domine, le peuple gémit. Nous voulons que dans notre message, les justes se multiplient. Que les gens corrects deviennent nombreux. Que des vrais fidèles deviennent nombreux. Des gens qui ont à cœur donner l'évangile deviennent nombreux. Oh, c'est notre prière à Dieu. Même dans la chaîne de prière, nous réclamons cela. Que Dieu nous exauce. Que le Seigneur Dieu nous l'accorde. Nous voulons vraiment qu'il en soit ainsi. Que cela multiplie le peuple. Oh, béni soit le nom du Seigneur chaque jour. Et nous puissions voir de ces grâces et ces merveilles. Oui, frère, nous avons besoin de ça. Que le Seigneur nous l'accorde. Que les justes se multiplient. Que les gens fidèles et corrects soient plus nombreux parmi nous. Que des vrais fidèles de cœur qui ont à cœur le royaume de Dieu pour que le monde ne dit plus rien. Ils ne font pas de blagues avec le péché. Ils ne s'ouvrent pas aux iniquités. Ils sont disposés à blâmer le péché. À s'opposer aux iniquités. À s'opposer à la rébellion. À toute forme d'incrédulité. Et d'impureté. Ce genre de gens, hommes et femmes, nous en voulons nombreux. Mais si par contre, il y a des gens qui disent qu'ils veulent, ils sont chrétiens de nom, mais qu'ils n'aiment pas la correction, vous voyez comment la Bible a dit ici dans le Proverbe 29, verset 1, un homme qui mérite d'être repris et qui rédit son coup sera brisé subitement et sans remède. mpona mpamela mingi ako bapisa mpwasa mpe ako bike la te. Voyez, vous voyez un homme qui mérite d'être reproché, d'être repris, d'être réprimandé, d'être son groupe, parce qu'il est infidèle, parce qu'il est injuste, parce que c'est un mauvais, un mauvais type. Hein? Un mauvais gars. Il redit les coups, il se donne raison, il ne veut pas s'humilier, il s'entête et trouve des explications. De longues explications interminables. Pour se donner toujours raison. Mais il n'a jamais tort. Il a toujours raison. Ce type là, la Bible dit qu'il va être brisé soudainement et sans jamais. Ne soyez pas de cette catégorie-là. Dieu fait grâce aux humbles. Hier, nous avons dit, nous ne sommes pas dignes. Jésus-Christ seul est digne. Jean-Baptiste qui était reconnu grand et tout cela, mais là, je ne suis pas digne. Je ne suis rien. Mes chers amis, peut-être que jusque-là, vous n'avez pas encore une seule vision dans votre vie. Pourtant, les visions existent. Dieu donne des visions. C'est vrai. Bongo. Et il peut en donner. Il peut en donner. Même à toi qui n'as rien vu. Mais il traite avec nous diversement. Dans les sermons, vous croyez maintenant. Léchez le 7 mars 1954. Nous vont lire ceci. Le paragraphe 5 à 27. Écoutez, ce que dit Frère Branham. Je suis allé, je ne peux rien faire de moi-même. Mais je ne fais que ce que je vois faire au Père. Je fais la même chose qu'il me montre. Est-ce vrai? Jean 5, verset 19. Le Père agit jusqu'à présent, moi aussi, j'agis. Voyez frère, en vérité, je vous l'ai dit, le Fils ne fait que lui-même. Le Fils ne fait que ce qu'il voit faire au Père. Alors ici au verset 19, il est dit, le Père agit jusqu'à présent, moi aussi j'agis. En d'autres termes, toujours dans le surnaturel. Quand le Seigneur Jésus dit ça, il dit que jusqu'à présent, mon Père agit et moi aussi j'agis. Que signifie cette parole-là? Le prophète qui est l'interprète de la parole divine écrite. En d'autres termes, il donne la signification, la pensée contenue dans ce passage biblique. En d'autres termes, toujours dans le surnaturel. Pourtant, Jésus avait un corps naturel. Il avait des yeux naturels, des oreilles naturelles, des mains et des pieds naturels, un ventre et des jambes naturelles, avoir des yeux comme ça. Mais dans l'action, le Fils ne pouvait rien faire de lui-même. Il était toujours dans le surnaturel. Et Frère Branham a dit que Jésus-Christ était l'homme qui a eu le plus de visions possibles. Parler de vision, Jésus en a eu un tas. Toute sa vie. Il pouvait rien faire de lui-même. Il fallait vision et exécution. Vision, application. Vision, accomplissement. C'était ça tout son travail. Et Dieu soit béni. Qu'il nous ait donné son fils premier-né, notre divin modèle. Et tout ce que Dieu a connu d'avance. Il a dit qu'il est semblable à l'image de son fils, Jésus-Christ, afin que ce fils soit le premier dans le monde. Dieu veut que vous soyez frères. Et le même Dieu a transformé le nouveau monde dont nous parlons aux anges. Mais c'est à son fils Jésus-Christ. Et le fils ne veut pas régner seul. Le fils a voulu amener beaucoup d'autres fils à la gloire. Et il a dit que celui qui vaincra régnera avec moi. Veux-tu vaincre frère? Veux-tu vaincre église? Veux-tu vaincre ma soeur? Applique toi, c'est tout possible. Ne te laisse pas vaincre par le mal. Romains 12, verset 21. Laisse-moi le mal par le bien. Ne te laisse pas malmener par le péché. Par les boulinets. Par toute espèce d'impureté. Et par ces salles de convoitise. Tu peux résister, tu peux pas. Dieu te donne cette grâce. Amen, amen. Jésus-Christ est ton divin modèle. Il a vécu la terre comme de chair, sans mentir, sans s'essuyer aucunement, sans faillir d'aucune façon. Notre divin modèle. Tu limiteras chaque jour de ta vie. Tu limiteras Jésus-Christ chaque jour de ta vie. Tu limiteras Jésus-Christ dans tout ce que tu vas faire. Ton divin modèle. Alors il a dit, le Père agit jusqu'à présent. Moi aussi, c'est-à-dire, qu'est-ce que ça veut dire? En d'autres termes, toujours dans le surnaturel. Or toi, qui t'appelle un enfant de Dieu, un frère et une soeur, tu es toujours dans le naturel. Et ça, ça étonne. Beaucoup d'années comme ça dans le message. Mais toi, si on doit décrire ta vie, tu es toujours dans le naturel. Toujours dans le naturel. Vous me direz quoi? Quand vous n'avez même pas répondu présent à la chaîne de prières que nous avons rappelé hier ici. C'est parce que vous étiez dans le surnaturel, que vous étiez absent à la chaîne de prières programmée. Vous étiez dans le surnaturel, vraiment dans le surnaturel. Si c'est dans le surnaturel, mais absent à la chaîne de prières. Soi-disant dans le surnaturel, mais absent à la chaîne de prières. 12, 3 fois, le même jour, toujours absent, en train de gratter la tête. Vous allez comme quoi, Zanamoutou? Toujours dans le naturel. Toujours dans le naturel. Mais Jésus-Christ, ton divin modèle, ton sauveur a écouté ça. Lui, toute sa vie, il était toujours dans le surnaturel. Oublia même de manger. Amen. Dans Jean chapitre 4, vous avez l'histoire. Les disciples sont allés chercher la provision. Ils sont revenus là-bas. Jésus occupé avec la femme samaritaine. Tu vas manger quand? Tu vas manger quand? Et alors il leur dit au verset 34, Jean 4, verset 34. Ma nourriture est d'accomplir la volonté de celui qui m'a envoyé et de faire son œuvre. Repas dont le ventre a besoin. Il ne s'en passe même, hein, pour faire la volonté de celui qui l'a envoyé. Mais toi, pour ton ventre, tu peux t'absenter au culte pour chercher quoi mettre dans le ventre. Et tu es disciple de Jésus, le divin modèle. Hein? À cause du ventre, tu peux venir arrêter à l'église. À cause du ventre. Ah, on s'en est concraté. Kaka liboumou. Kaka makambo ya liboumou, ne ki pagayo mingi. O bosta na ka era koliate. Sa jamais. Wana. Ma pime la yo nyoso me. Moulia. On peut tout te priver. Pour ce qui est de manger. Wana wo et tete kolia. Prête en sang bénémi. Wana koutou wo kribo da souka. Koulia ki bilo kouna ngay. Et kome. Soko wani nana koufa sara. Pour les choses à manger. Bon, bel et pona ilo kokolia. Mais jamais. Kasi. Je m'étais consacré, mais tu es venu déranger ma consécration. Non, nous t'étais au cas. On appelle l'insistant. J'avais oublié de changer la sonnerie ou de mettre les vibreurs ou les silencieux. Quand tu appelais, tu insistais. Mais j'étais dans la présence de Dieu. J'ai fini par rompre même à cause de tes appels. Oh, désolé. Aïe. Mais si celui-là, c'est un méchant, tu vas même lui dire ça. Il dit, oh, ça ne fait rien, non? Il veut que toi, tu sois comme lui. La vie de prière ne lui dit rien. Quand même, il va apprendre que si t'appelles, on dérange quelqu'un qui priait, pour lui, ça ne fait rien. Vous voyez à quel point nous sommes infiltrés dans le message. Alors, Luka Bokoze Nazambe pour le Molimo Nayo. C'est vrai. Il y a des gens au cœur méchant dans l'église. On trouve trop de méchanceté parce que Frère Brenham dit parce que tous ne sont pas nés de nouveau. Quand ils sont pas morts à eux-mêmes. Il y a trop de méchanceté et de jalousie dans l'église. Quand ils ont mingi ils ont l'église pour être bangonyos au bout de. Alors, ne soyez pas naïfs, même ici au tabernacle, malgré tout ce que nous aimons là, hein, on peut trouver des cœurs pareils. Vous commettez tout. Très bas. Attends, on a mon gros frère, on a un niveau où il y a église. Nous devons m'avoir un degré où il y a ça là est l'obéli, comment il répond à son frère. Mais moutou y a boye, soka gopé, c'est yanomabe, nande komondimi. Frère, oh ma kira ne suis tanga, pour être ya comme frère. Mais à mankakaye, respect à tout bout de champ. Que fera-t-il devant les païens? Une personne pareille. Que peut-il faire devant les païens? Il va dans le temps de l'autre côté de la mission. Vous voyez, frère? Que Dieu nous aide. Que le Seigneur nous aide chaque jour. Soyons le sel de la terre. Soyons gentils et aimables. Parlons de manière salée. La Bible dit que notre parole soit toujours assaisonnée de sel et accompagnée de grâce. Ne soyez pas méchants, Jésus-Christ, notre divin modèle. Jésus-Christ, il était toujours dans le surnaturel. Tout ce que le Père faisait, lui le Fils le faisait pareillement. Mais toi, pose-toi la question. Combien de choses de tes actions, de ce que toi tu fais, représente ce que le Père est en train de faire à ce moment-là? Quand toi tu fais ça, est-ce que c'est l'œuvre du Père? Ou tu es toujours dans les naturels? Répands-toi. Change. Bon maman. Pour devenir entrer dans le surnaturel. Et aucune chair ne peut se glorifier dans la présence de Dieu. Quand votre corps de chair parle, les sentiments de Teda, de mépris, de dénigrement des autres, de mépris, d'orgueil et d'insolence. Quand tu es dans la présence de Dieu, ça ne peut pas opérer. Entre dans le surnaturel. Je reconnais que tu es né dans le péché. Tu es pécheur par nature. Tu ne l'as pas choisi, tu ne l'as pas voulu. Mais étant condamné comme ça, Christ te donne le message de grâce. Ce n'est pas une chance à tester. C'est un message à recevoir et croire. Vous devez naître de nouveau. Donc, tu peux les choisir volontairement. Et tu les appuieras efficacement. Amen. Aucune chair ne peut se glorifier dans la présence. Et ainsi, nous attendons simplement. Eh bien, certains hommes n'ont pas de vision. Voilà. D'abord, tu es constitué de manière à ne pas avoir de vision. Ne pense rien. Mais Dieu sait comment traiter avec toi. Tu es sa créature. Tu n'échapperas pas. Tu ne seras jamais dépassé par ça. Certains hommes n'ont pas de vision. D'autres procèdent par une inspiration du pressentiment. Pousse à maman pour elle est bien que vous êtes au ciel. Pas vraiment une insidie le Seigneur. Les alliés sont comme une force de conviction. Les alliés qui peuvent mis à maman pour quand ça vient comme ça, c'est que ça se respecte. Ce qui est comme elle est bien, elle est bien. N'allez pas troubler ça. Respectez ces choses. Parce que c'est la manière de Dieu de traiter avec ses enfants. Les alliés tout le monde n'a pas qu'à avoir des visions. Et tout le monde n'a pas la capacité d'entendre une fois ou dix. Ma coquille, quoi, je voudrais poser la question ici plus d'une fois. Le Seigneur a me parlé ouvertement ici. Et même celle devant ici. Oui. Oui. Vous ne pouvez l'entendre que quand Dieu vous ouvre. Quand ça ne vous est pas destiné, ça vous passera dessus. Ceux qui veulent bénir les autres, ils apprennent que celui-là est un fanatique. Il a inventé ou il a imaginé des choses. Alors que ce sont des choses réelles. Notre Dieu est un Dieu réel. Et le monde de Dieu est un monde de réalité infaillible. Réalité infaillible. Comme après ce pauvre homme, un sermon intitulé les réalités infaillibles du Dieu vivant. Les réalités de Dieu existent. Dieu est surnaturel. Et les réalités surnaturelles nous visitent dans le naturel. Elles deviennent de fois palpables. Comment ça peine à mis sur votre monnaie? Tangible. Gloire à Dieu. D'autres procèdent par une inspiration du pressentiment. Le Saint-Esprit dit à un pasteur, va à cette autre église là. Même s'ils ne reçoivent pas d'argent là-bas, mais ils sont dans les besoins. Quand le Saint-Esprit l'a dit, le pasteur ne va pas dire qu'est-ce qu'on va me donner là-bas. Il ira éviter. Parce que il vit dans le surnaturel. Mais quand c'est un homme charnel, un ouvrier du ventre, vous en entendrez dire comme l'un qui prêchait quelque part là-bas, qui faisait trop de bruit avec la prospérité, il dit, oh non, il y a ma pasteur à ma église, à Mike Wana, à inviter Ngaï. Quand on se croit, on a tourné, on a tourné. Et il y a aussi, il y a aux bergers, aux pasteurs. Voilà même encore les gens. Ils veulent faire la différence entre le berger et le pasteur. Maloba ya koloba berger na pasteur to c'est ça mobat élite un gars dans un taxi dit cela il dit oh de la jeunesse à l'apocalypse comme beau pasteur est à la gâtée en train de dire putain mais comment les gens pourquoi on doit avoir l'audace de mentir comme ça vraiment bato ngambo na koko sabonde ni na bible kaka berger ce que tu as de la jeunesse à l'apocalypse comme beau pasteur écoute et ça raconte tout est combanda Genèse, chapitre 3, et Apocalypse, chapitre 3, comment passer les arts à la côté? Mais au coup, tu as bérigé quand tu as bérigé quand tu as bérigé quand tu as bérigé. Menteur. Mais Bible à main. Bible à ma boue. Parle avec trop d'assurance et d'orgueil. N'ajoute rien à ce que Dieu a dit. C'est pas que c'est là qu'on ne se reprenne et qu'ils se trouvent un menteur. Et tu n'as pas mélangé à Zoyo Mokosi. D'autres procèdent par une inspiration du pressentiment. Notre pasteur là, il a répliqué à ce petit pasteur d'après lui. Il dit, yo, ça berger, vous avez besoin de pasteur. Et puis il dit, vous avez invité à la côté de Panayo. Vous comprenez ça à combien? Et puis il vient en parler dans son église à haute voix. Voilà. Quand la Bible parle des ouvriers du ventre, c'est une réalité. C'est un peu d'argent. Et après, il a dit, oh non, venez d'abord. Je lui ai dit, je ne viendrai pas. Il dit, mon temps est précieux. Je ne peux pas gaspiller mon temps pour rien. Je suis le professeur de la prospérité. Un pasteur qui dit des choses. Et c'est la prédication. À laquelle des gens posent des cris, des amen et tout. Quand le Saint-Esprit est un pasteur, Va à cette autre église-là. Même s'il ne reçoit pas d'argent là-bas, mais ils sont dans le besoin. Je te veux là. Il n'attend pas une vision parce que ce n'est pas là son ministère. Il va simplement là et Dieu obtient le même résultat que par une vision. Vous entendez bien? Parce que la vision vient de Dieu. La voix dans la conscience, Dieu peut l'utiliser. La voix audible, Dieu peut l'exprimer. Il n'a pas que vision. Ok. Chacun doit connaître comment Dieu traite avec lui. Pense ceci, très bien. D'autres procèdent autrement. Mais tout ensemble, c'est l'œuvre du Saint-Esprit. Que le Seigneur vous bénisse. Maintenant, écoutez très bien. Mes chers petits enfants en Christ. Je déteste vous quitter ce soir. Honnêtement, je le regrette. Je n'ai pas à le dire. Mais vraiment, j'aurais voulu avoir encore quelques semaines à Phoenix. Mes réunions bien programmées ont simplement poussé un jour ici, un jour là-bas. Comme cela. Ainsi, je dois me dépêcher aussi vite que possible pour rentrer chez moi. Et partir directement. Et quand je rentre, si rien ne se passe en un matin, je commence directement cet après-midi-là. Voyez, ainsi, au commencement de chaque prochain jour, priez donc pour moi. Allez-vous le faire? Et peut-être je ne vous reverrai plus. Alors, mais il demande les prières de l'Église. Soutien de l'Église en prière. Maintenant, vous, quand vous dites Amen, Frère Branham demande à l'auditoire et dit, le ferez-vous? Vous dites Amen. Vous allez prier pour qui? Pour Frère Branham? Qui veut dire votre Amen? Tango, bolobi tesa bobele bongo. Bongo bonde le sigo de gobrana mazal ko senga mabonde lina lo sabu. Yo tango lo. Tu vas dire Amen, tu vas le faire. Ok, dans ça l'ango, ko sala, ko bonde la pona de gobrana. Ton Amen, c'est ça. Tu vas prier pour celui qui te lit ça. Parce que c'est lui qui le disait, n'est plus avec nous, il n'a plus besoin de nos prières. Rien du tout. Il est parti. Mais maintenant, il se peut que ce soit dans le but peut-être de raconter cette vision. Je vous ai promis que je le ferai. Et je l'ai écrit quelque part ici dans la Bible. Une vision que lui aussi a eu. Ézéchiel en a eu, Jean en a eu. William Branham aussi en a eu. Entendez. Et voici ce qui se passe là. Pour une raison à laquelle il voulait aller et pour laquelle il demande de prier là. Il dit ceci. L'ange du Seigneur qui est venu vers moi, je l'ai et qui m'a dit de retourner en Afrique. Il m'a placé là en Afrique. Et m'a montré une série de réunions plus grandes que celles qui avaient eu lieu la première fois. Alors, pendant que je me tenais là, un autre ange est descendu du ciel. Quelle scène! Donc, un premier ange vient, il parle, il montre une série de réunions plus grandes que la première fois. En il l'amène là, il ne laisse pas là-bas en fait. Il montre la série. Et pendant qu'il se tenait là, dépendant de la suite de l'ange, le premier ange, qui a toujours traité avec lui, il lui dit ensuite quoi? Il le montre encore quoi? Alors, pendant que je me tenais là, un autre ange est descendu du ciel. Et il portait, on dirait, un habit rouge. Hein? La croyance d'après laquelle les anges sont habillés toujours en blanc. Et voilà un ange habillé en rouge. Vision des réalités célestes. Les différentes illusions que nos catéchèses nous enseignent. Il portait la vie rouge. Mais il était au-dessus de moi. Et il m'a tourné vers l'est. Et j'ai vu tous les Africains là. Alors il dit, les Africains sont robustes. Et tu n'as fait la benza, bah ça dit cambé. Et tu ne peux pas constituer. Bah ça la mine nous sort benza ya mine ne ya malabu. Mais ceux-ci étaient des gens minces. Parce que bah ça qui bat ma conda. On dirait qu'ils étaient drapés. Ils allaient qui enveloppés des doigts. Et bah zinga bi benza na bah. Et on dirait une couverture relevée en haut et rembourrée comme ceci. Et l'amba mon gros gosipo. Et je n'arrivais à identifier personne. Mais c'est nous les Africains qui avons été dit là-bas comme ça. Oui, c'est les mêmes. Es-tu aussi africain? Je ne suis pas africain. Sœur, vous êtes africain? Vous avez été vu là-bas. Non, pas dans la grande constitution naturelle. Les hommes robustes, tout cela. Une forte constitution. Mince, comme ça. Les Africains. Tous les Africains. Vous entendez? Oui. Y compris toi. Ce qui est la moi, je ne sais pas connaître, mais la vision montre tous les Africains. Pas d'échappatoire. Écoutez ce qui s'est dit. Et alors? Mais ils étaient plus nombreux que ces Africains. Alors cet ange au-dessus de moi se transformer en une très grande lumière éclairante. Et il s'est mis à me montrer derrière comme cela. Et tout aussi loin que je pouvais voir, il n'y avait que des gens. Et il y en avait là sur des collines et dans les vallées. Et ils ressemblaient aux Indiens. Et alors, quand cet ange au-dessus de moi a parlé à l'ange qui est toujours avec moi. À côté de ce grand homme, au temps plutôt basané. L'ange qui se tient toujours à ses côtés. C'est un grand homme, nous l'avons dit. Vous entendrez encore parler de cela. Une grande constitution. Et sa ceinture était plutôt balsamée. Avec des cheveux qui lui retombaient sur les épaules. Et les bras croisés. Et il se tenait là à mes côtés. Alors, l'ange qui était au-dessus de lui. Il se met à parler à l'ange qui était à sa droite. Lui, madame, et qui a souvent été toujours avec lui. Je l'ai entendu dire à celui qui se tenait à côté de moi. Une voix si forte. Et cela m'a fait sortir de la vision. Et il a dit, il y en a 300 000 à cette réunion. Notez-les, car c'est ainsi dit le Seigneur. Et sa parole s'accomplit. 300 000 dans la réunion. Mais au fait, la vision indiquait une série de grandes réunions. À la fin, le Seigneur résume comme en une seule réunion. Et le nombre de ce que lui a vu, là dans cette série de réunions, 300 000. C'est le ainsi dit le Seigneur. Il dit que sa parole s'accomplit. Êtes-vous là? Vous allez voir, non? Quel était l'aspect de l'ange qui accompagnait Frère Branham? Qui dit? Teinture? Oui, Bazané. Mouindou Pembe. basané. C'est en français. Basané. Pas un blanc. Comme nous montre des images ici. Oh, moi, j'avais un peu de temps, mais je suis arrivé. Il a dit, arrêtez. Laissez nous tromper comme ça. Laissez-nous tranquille avec nos problèmes. Regardez. Dans la prédication, ce que sont les visions. Prêchez le 21 avril 1956. On parle de l'histoire des deux bonbons, des bonbons canadiens qui avaient un goût fat et tout cela. Mais il aboutit pour parler de l'ange en question. L'histoire des bonbons s'est transformée en vision à un moment donné. Alors, on n'a pas le temps de tout lire. Vous prenez le paragraphe 78 jusqu'à 81. Mais mes chers amis, je vais lire juste le paragraphe 79. La deuxième partie de ça. Très bien, rappelez-vous. Je dois vous rencontrer tous dans la gloire un jour. Et c'est vrai que na kutara na binobanso na tembo mkolomoko. Ça, moi je dois dire amen. Ouais, bongo ngana kolobete za bongo. O boyi eh lukalo na rayo. Soko mani ko sa reprise ko va amen na oy, c'est que yo moko yedi go yela ke nini awa pe go suka wapi. Moi je dois dire amen à ça. Ali kambo boyi ngana kolobete za bongo. On a vu les Africains là-bas et l'ange a eu à parler. Rappelez-vous, je dois vous rencontrer tous dans la gloire un jour. Amen. Et quand j'ai tourné la tête, il s'est tenu là. Cet ange-là. Un homme grand. Écoutez, pas comme Christ, comme le Christ. Avant de faire le Christ. Christ était un petit homme la semaine passée, n'est-ce pas? Christ, et cette semaine, nous revenons à l'ange dont nous avons dit qu'il n'était pas le Seigneur Jésus-Christ. L'ange n'était pas le Seigneur Jésus-Christ. Sombre. Le poisson mouindou. Au teint. Le poisson mouindou. Quand les colonisateurs sont venus en Afrique, ils ont dessiné le diable très noir, un visage noir avec des petites dents blanches là. Et puis en train de rire, hein, comme pour se moquer des gens. Et le diable avec une longue et grosse queue là. Ça c'est méchant. Hein. Pour dire que Bisouat mouindou n'est pas diable. Quand ils dessinent les anges toujours blancs. Oh Jésus, blanc. Jésus n'était pas un blanc. Mais il décide Jésus, blanc. Et puis nous, les démons, noirs. Satan en personne, il est très noir. Il est très noir là, avec les noirs des yeux là, avec un petit blanc. Les blancs là des yeux, ça paraît clairement au sein d'un grand noir des yeux. Et puis les dents, il ouvre les dents comme ça. Vous rire méchamment avec des dents qui sortent comme ça. Na bongo tango batia boko jinanko oyo, ba mindela ba yaki pwete ba konza biswawa. Bayemaki, soki balingi bayema penza zabulu. Zabulu azali bobele mwindu koleka penza wana kwa lakisa biso batu mwindu ngeto zaba zabulu. Bango soki balingi batali saba angel pembe boinabulu. Et cela a généré des préjugés terribles. Yango botaki makamungwa kwa kalishela batu mabe mingi. Et les gens au teint un peu clair ont tendance à considérer ceux qui ont la teinture likala mwindu wana. Les noirs là, les prototypes des démons. Et mais c'est faux, c'est pas écrit dans la parole de Dieu ça. On peut avoir quelqu'un, celui-là qui est allé découper le Mumba en morceaux, n'était-il pas un blanc? Mais il explique comment il a découpé le corps de Lumumba en morceaux, il est allé enterrer ça dans une forêt. Mais c'est un blanc. Ôtez les préjugés. Considérez chacun tel que Dieu l'a fait. C'est faux. Moi j'ai vu des sorciers tout bruns. Mais très méchants dans la sorcellerie. Oh, méfiez-vous. Oh, voilà. C'est pas la couleur de la peau, frère. Les alitalo, l'angelo possible. Ici, l'ange qui venait après Branham, elle est de quelle teinture? Non. Mouindou. Moutou mouindou. Et ses cheveux sont noirs. Bah, souguinaye mouindou. Et c'était souvent avec les bras croisés. Mingi mingi tere magazo maboga kokang. Costo. Ngambe. Quand les pentecôtistes s'entendent ça, scandale. Ou moi, j'ai Branham, à la démon. Moi, j'ai mouindou. Moi, j'ai mouindou. Tout ça, il prend les idées des colonisateurs, mais il pense que c'est la Bible. Mais dans le cas de Bible, les colonisateurs sont des méchants. Dieu a fait l'homme, mais l'homme a fait les esclaves. Et ça, notre message est contre. Vous êtes bien. La teinture sombre n'était pas du noir de la braise, l'ange. Frère Branham va nuancer, il va sortir. Il est un homme très grand, au teint sombre, brun. Voilà, cet ange à l'aspect basané. Avoir comme ça, c'est un noir. C'est un noir de la couleur de la braise. Mais c'est un noir, mais d'aspect brun. Vous suivez un peu près? Voilà dit. Hein? Oui. Est-ce que tu es au Ghana? Amen. Est-ce que vous croyez aussi ça? Vous allez pas me perdre. Quel tel ange existe? Oui. Amen. Parce que si vous avez des illusions pentecôtistes, ma cambo, il faut que ça va bien. Vous avez un chandé, il y a un brin. Depuis la boîte, il y a un ange brin, est-ce que ça va vraiment? C'est Dieu qui possède des anges. Une multitude. Tu n'en as pas déjà vu tous, tu ne peux pas conclure comme ça. Il est un homme très grand. Au teint sombre. Brun. Aux cheveux noirs. Retombant sur ses épaules. En robe blanche. Il lui n'était pas bien rouge. Il y a celui-là au moins en blanc. Oh, on a la tête qui les bras croisés comme ceci. Et chaque fois. Écoutez. Yoka. Et c'est la raison pour laquelle je fais passer les gens à ma droite. Quand il fait la ligne de prière, l'appel à l'autel. C'est la raison pour laquelle je fais passer les gens à ma droite. Quand je les fais passer à l'estrade, on passe d'abord par lui. Branham se tient ici. Je peux être là. Vous venez comme ça. Quand je prends position comme ça, l'ange se tient ici. Ayez foi. Vous allez dans le surnaturel. Vous passez par l'ange, l'ange céleste, et puis le serviteur terrestre vous impose les mains. C'est un service divin. C'est agréable de vivre ça. C'est plus qu'une vision. Vous le vivez en réalité. Et l'ange qui accompagne frère David, il vient de quel côté? Moi, je... où? A-t-il été déjà vu? On ne dit pas tout, hein? Il y a beaucoup de choses que Dieu fait. Et que Dieu montre. Marchons dans la foi dans l'évangile. Peut-être que toi tu peux regarder, tu ne vois rien. Mais il y a des choses qui se passent plusieurs fois. Il y a eu des témoins parmi eux. Et à qui sont où j'avais été. Même là il s'est rendu visible, il s'est manifesté. Dieu est très bon. Sachez qu'il se tient aussi à la droite. Et je vous ai toujours dit ça. Quand j'avais commencé le ministère, mon traducteur s'est fait. Mais depuis ce moment-là, le 14 mars 1994, quand il s'est montré visiblement, j'ai inversé intentionnellement la position des traducteurs et jusqu'à présent. Même si je vais dans une église qu'on essaye, je vais tout faire. Non, pas ici. Laissez cet espace libre. Je sais pourquoi. Vous aimez les anges de Dieu? Hébreux 1, verset 14, nous a dit, ce sont tous des esprits. Envoyé de Dieu pour exercer le ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut. Moi aussi je suis un héritier du salut. Alors un ange de Dieu peut me venir. Toi aussi en tant qu'héritier du salut de Dieu, un ange de Dieu peut être envoyé à toi. Dans les psaumes 34 on l'a lu, l'ange de l'Éternel campe autour de ses clercs et il les arrache à tout danger. Il les arrache au danger. Vous souvenez lors de la vision d'une bataille qu'on devait mener? On avait une très lourde épreuve dans l'église. Et le Seigneur s'est montré là comme un puissant lion, un lion très fort. Mais avant que lui ne prenne le devant, que nous mettions derrière, vous savez ce qui s'est passé? J'avais juste dit, l'ange dit, c'est nous. Je cite l'écriture dans la vision. Et l'ange qui était perché au-dessus là-bas. En haut, côté droit. J'ai juste cité l'écriture à la chair où je m'étais né. Dans cette scène. J'ai dit, l'ange dit, Seigneur, campe autour de cette crainte. Et c'est tout danger. Je lui ai jeté un regard, un clin d'œil. Et puis il est vite descendu. Donc le regard c'était comme un rappel à l'ordre. L'ange avait momentanément laissé le poste vide, mais le peuple de Dieu était face à un danger. Et lorsque l'ange a pris sa place, au bout d'un temps, le lion est en terre. Pour faire face à tous les adversaires. Nous sommes plus que vainqueurs. Notre Dieu est un Dieu de réalité, c'est infaillible. Nous ne parlons pas des illusions et des fictions. Nous ne parlons pas d'un Dieu imaginaire. Ou d'une puissance utopique. La vision des anges de Dieu convaincant. Un ange qui s'est transformé en lumière éclairante. Et il a parlé. À l'autre ange qui se tenait à sa droite, l'ange à la ceinture basanée, ceinture sombre, l'homme brun. Ok. Oui. Il lui dit, il y en aura 300 000 dans la réunion. C'est Dieu qui appelle. C'est Dieu qui connaît qui viendra, qui ne viendra pas. L'homme regarde l'apparence. Moi, Lucifer, après s'être rébellé, il a été chassé de la présence de Dieu parce qu'il résistait à l'ordre de Dieu. Mais au temps de Job, n'est-il pas indiqué, lui n'est pas retourné là-bas? Montrez-moi les jours où Dieu est allé chez Satan pour aller demander quelque chose. Rien du tout. Mais c'est Lucifer qui est rentré là-bas pour aller demander une permission. Frère, rien ne peut résister à Dieu indéfiniment. Même pas ta maladie, même pas tes épreuves, mais tout a un commencement, ça aura une fin. Et l'autre ange résoudra tout. Ouais. Aie confiance. Avez-vous vu dans Apocalypse 14 la vision des anges de Dieu conversant? On s'est merveillé toujours là. On a montré d'abord le Fils de l'homme. Il était là assis au-dessus. Mais il y a un ange qui lui a crié. Donc, l'ange qui parle au Fils de l'homme qui est le Seigneur Jésus-Christ. Il lui demande de moissonner la terre car la moisson de la terre est mûre. Et lui, le Fils de l'homme qui était assis sur une nuée, il a jeté la faucille sur la terre et la terre fut moissonnée. Quelle harmonie dans les colonies. Un ange parlant à son Seigneur. Donnant rapport que la motion de la terre. Et dans le rapport de l'ange, le Seigneur passe à l'étape suivante de son propre programme. La merveilleuse communion divine. Amen. De Jésus. Oh, quelle joie. Oh, un ignoble comme moi, d'avoir toujours un tel ami pour m'écouter. Il a écouté la voix de l'ange, pourquoi pas ta voix à toi? Oui, c'est le serviteur, toi tu es un fils de la maison. Moi, je ne serai jamais racheté, mais toi tu es racheté par ta grâce. Il écoutera tes prières. Veux-tu faire confiance? Continue la vision, il range ton enfant. L'aide a parlé au Seigneur lui-même. Le Seigneur a donné. C'est vrai, moi j'aime. Vous pouvez nous relire un peu là. Ami de Jésus, ami. Communion divine. Oh, oh, oh, oh. Oh, quel délicieuse communion. Jésus est bien mon ami. Il est ton ami. Crois que tes prières seront exaucées. Oui, le Seigneur Tout-Puissant. Et les voici donner suite à la demande d'un serviteur. Après les 14. Le verset 14 à 20, comme on l'a lit. Je regardais, et voici, il y avait une nuée blanche. Et sur la nuée était assis quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme, ayant sur sa tête une couronne d'or, et dans sa main une faucille tranchante. Et un autre ange sortit du temple, criant d'une voix forte à celui qui était assis sur la nuée. Lance ta faucille et moissonne, car l'heure de moissonner est venue, la moisson de la terre est mûre. Moi, je et me il demande venant d'un ange venu du temple. Moi, je me suis dit que le temple est un homme qui a été un homme qui a été. Tindali kongola na yompe buka po ete tango na kobuka eye yimpe biloko na kobuka na mokili biteli. Reprenant me dit qu'un fils de Dieu a plus de dignité devant Dieu qu'un ange de Dieu. Amen. Il a plus de considération devant Dieu qu'un ange. Mais si Dieu peut donner suite immédiate à la demande d'un ange, qu'en est-il de tes prières à toi? Persévérance, c'est un bon. Gloire à Dieu, il répond aux prières. Amen. Na bongo de kobrana malobiate mwana na nzambe azali na mutu ya tolu kumu mingi na miso na nzambe koleka mwanjelu kasi awalo kola nzambe ye moko mbala moko apeshi ya yanu na bosenga na makambo mwanjelu asengi boni boni pona yo mwana na nzambe na bongo ekingezala kanga motema mumele yebete nzambe ako yanu la yu celu ki yete tasi sur la nuwe jeta sa fosi sur la terre et la terre fi mwasoni. Yo yamanda kila lipata akindi ili kuangola na ye na mokili. Mpe biloko na mokili bukami. Un autre ange sorti du temple. Pas le premier. Oui, il y a eu déjà suite. Oui, il y a eu déjà de justice à sa demande. Oh, yo, un autre encore. Moussous. Sorti du temple qui est dans le ciel. Ayant lui aussi une faucille tranchante. Moi je moussous a dit ma kina tepelo na lipolo. Et un autre ange encore, le troisième. Voyez ça. Dieu possède des anges. Il vit dans un monde réel. Et ils font des choses réelles. Un autre ange qui avait autorité sur le feu sortit de l'autel et s'adressa d'une voix forte à celui qui avait la faucille tranchante, disant, lance ta faucille tranchante et vendange les grappes de la vigne de la terre, car les raisins de la terre sont mûrs. Pour moi, je me suis abîmé na etumbelo. Mais avant qu'il n'ait pas conduit na moto na yango. Mais bien qu'il n'ait pas encore marché na oyo, avant qu'il n'ait pas engolé pelimingi mpe alobi na ye été. Tindali kongola na oyo et pelimingi mpe buka mitu na mbuma na muiti na mokili. Pote mbuma yango était. Et l'ange qui n'était pas le fils de l'homme. Mais qui tenait lui aussi une faucille. Cet ange-là jeta sa faucille sur la terre. En exécution de la demande de l'autre ange qui était sorti du temple. Oh. De l'ange qui avait autorité sur le feu plutôt. Qui sortait de l'hôtel de Dieu. Là où ciel. Il vendangea la vigne de la terre et jeta la vendange dans la grande cuve de la colère de Dieu. Moi j'ai tenu le Congola na yera mokili. Il fait abuki mbuma na mouiti na mokili. Fait abuaki yango na ekamelo monene na Congola na Nzambe. Voyez-vous des anges de Dieu se communiquant? Vous m'avez parlé le bango na bango basan kosolola. Personne ne résiste à personne. Mon côté c'est le côté de mes amis. Tout se passe dans un état de communion. Non seulement que ça l'a bonoko. Dans la franche collaboration. Na boyo kani pesa ya solo. Il n'y avait pas d'irritation là-bas. Ils étaient à la consulité. Pas d'énervement. Voici Ilian et l'autre chose qu'il fait. Tu peux faire ceci et l'autre chose qu'il fait. Collaboration. Bous, bous, le fils de l'homme a fait sa part. Mouna, na, mouta, sali, chacun des anges a fait la sienne. Mouna, mouna, ba, angela, sali, et le plan de Dieu avance. Mouna, zambé, zali, kokoba. Mes chers amis, Baningana, ngai, nous servons un Dieu réel. Il n'a pas soumis le monde à des anges. Ouais, toi, si, le monde avait été bien. Mais c'est à vous, bien-aimés. Vous jugerez la terre et vous jugerez le monde. À cause de Jésus-Christ, votre divin modèle. Il est venu vous racheter pour vous mettre à ses côtés. Que Dieu vous bénisse. Monsieur pasteur, comme Dieu a plusieurs façons de traiter avec chaque homme selon la manière dont il a était constitué, soit par vision, par voix audible, par voix intérieure, dans la conscience, ainsi de suite. Nabongo mabateli malamo, lokola nzambe asili kobongisa ete kikosolola lolenga na lolenga na batu na ye na ndenge asaleli bango, balamususu na yomono neli na mungongo ekati na yomo koto na mungongo oyo yoki na matoyi to bongo na bongo. Peut-on admettre dans cette hypothèse, une hypothèse, bon, d'un homme pour recevoir l'appel du ministère, au ministère juste par une vision, ou soit par une voix à l'intérieur de sa conscience, sans qu'il n'y ait une voix audible nécessairement. Nabongo, le kolo tomonye tenzambe azali kosolola na batu na ye na lolengo ye moko asaleli bango. Nanzela yango tokoka kondima ete, nabongo mutupe akikozolo tomo, ya mosala na nzambe. Ezala balamoko na bososo ya motema na ye moko ete liloba moko uti na motema to na ye mona li na kozanga mbela bo ukuta na nzambe. Non, je vois que le temps est avancé. Et je ne veux pas bâcler la réponse à cette question. Que Dieu nous aide à y répondre une prochaine fois. D'accord? Na monete tango sili kopusana. C'est sensible, ça peut, ce que je veux dire peut être déformé. Ete oyo na koki koloba bakoki kopenda sango lokola mutu ya mutu na oyo zamba songa biso to pesa ya nkolomo ko. Merci pour la question. Na tondi pour la mutu. C'est ami a une occasion ultérieure. Et pesa me ko pesa mele ya no. Que Dieu vous bénisse. Zambe a pambola bino. Et le bon pour la prière maintenant. Tele ma pona ko bonde la society. Nous chantons ami de Jésus. Comme ça venait d'être chuchoté tantôt. To koyemba muninga na Yesu lokola to uti golobela yango society. Crois seulement numéro 80, Ami de Jésus. Ami de Jésus, aucun jardin, ignoble comme moi, savoir ta voix, ton chemin, Oh, chacun prier pour moi et moi de prière. Ami, quand passe la terre. Ami, à avoir au seuil du ciel. Ami, empêche-moi. Même quand tu seras chez toi. Et je suis sur ton ami. Nous l'avons dit cette semaine. Notre Dieu est celui qui veille et qui répond. Amen. Attendez-les. Ne jamais se relâcher. Dieu Tout-Puissant. Voici ton peuple devant toi. L'heure était préavancée. Nous ne regrettons pas ce qui a été prêché. Nous sommes désolés de ces temps qui devient des fois notre adversaire devant les lourdes responsabilités, les choses à faire pour toi chaque jour pour être bien apprécié par toi. Ne rien faire avec négligence. Ô Seigneur Jésus, fais-nous grâce à tout faire. Car ici sous le soleil, nous sommes soumis à la limitation. Mais il y a un royaume éternel où nous vivons dans l'éternité, dans cette merveilleuse communion divine, la franche collaboration parfaite, des niveaux très élevés, sans inquiétude, sans frustration, sans déception. Le temps vient. Et nous croyons que nous y serons. Comme a dit ton prophète, il doit nous rencontrer tous dans le monde. Nous voulons y être. Fais-nous parvenir là. Rends-nous vainqueurs chacun. Délivre tout ce qui doit être fait. De toutes les situations délicates. de lier du péché même. Donne la délivrance au Seigneur. Exauce nos prières. Manifeste les réponses. Alors que tu nous donnes l'avant-goût de cette communion divine à travers cette vision des anges que Dieu communique. Montrant que tu es le lieu de réalité, c'est infaillible. Il ne s'agit pas des imaginations. Et cela est absolument dans le monde visible. La célébration de la naissance du Christ. Les anges sont venus littéralement. Ils ont été vus et entendus par les humains. Tout ça, ça nous interpelle à ne pas prendre les choses comme des imaginations, comme un passe-temps. Mais laisse-nous nous donner à ça, sacrifier notre temps et de nos personnes pour les enfants du royaume. Réveille ceux qui dorment. Secours-nous chaque jour, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ, perfectionne cette église. Il a encore beaucoup de failles. Mais tu nous as déjà fait beaucoup de grâces. Nous croyons que nous sommes plus ce que nous étions. Mais nous ne sommes pas encore ce que nous devions être. Et par ta grâce, nous y parviendrons. Aide-nous au quotidien à atteindre le meilleur des niveaux. Au nom de Jésus-Christ, multiplie les chiffres des gens fidèles. Les corrects parmi nous. Multiplie les chiffres, Seigneur. Les gens fidèles et honnêtes. Que ce soit une grande joie. Nous croyons que tu nous entends. Et tu nous feras prompt de ma justice. Dans le puissant nom de Jésus-Christ, prions. Amen. Amen. Veuillez vous asseoir. Que Dieu vous bénisse.